Double X on the track, bitch. J'ai ma goulax et je ride le bird. J'rappe et c'est du high level. Continue à te gratter les veines. À poil comme au jardin d'Éden. Sous comme un oiseau qui n'arrive pas à battre des ailes. J'ai caché ma bouteille de clan comme belle comme un DZ. J'fais un bisou à ma gauche juste avant j'm'en mets dans le Z. J'mets ma bite dans le trou, je sais pas ce que j'aime. De toute façon, je sais pas ce que j'aime. C'est la vie qu'on mène, hein. Moi c'est nous qui le clown. Je vais skier les problèmes. Je flotte dans la scène comme un petit canard. Au milieu des vélib et des souvenirs des cadavres. J'entends splatache, ça se cache. Quand ça t'attrape et ça fait des ravages. C'est le temps qui nous oblige à changer. Ce soir j'ai la haine. Je noie mes soucis, tout mon chagrin dans la taille. Sur mes plaies t'as mis du sel. Je suis pas un oiseau, moi je peux m'envoler sans aile. J'ai fumé son petit cul, j'ai fumé la hookah. J'étais pris la pifi, après j'ai servi de la vodka. J'leur ai mis des high kicks comme si je faisais de la polka. J'peux pas guacamole, ramène 2-3 avocats. J'suis un oiseau, j'vole en direction du sun. Mais j'me fatigue bientôt, j'veux m'brûler les ailes. Avec mes potes bourrés sur les quais de la Seine. Juste à côté y'a un gars qui s'endort tout seul. J'reste avec mes potes, le reste on les fuck. On les a vus dans la fête, pourquoi ils ont pris la fuite. J'ai fait des fautes mais j'ai pas baissé mon fut. RK9, on s'en bat les couilles des fuites. J'fly comme un oiseau, j'fly comme Erinja. La pif dans les naseaux, j'vois pas son visage. J'vois pas son visage. Non, j'vois pas son visage. Elle veut danser la salsa au bord de la mer. Même avec les mains sales, j'peux lui vendre du rêve. J'ai trop teasé hier, j'me rappelle plus de la veille. J'ai la mémoire en pointillé. Nous c'est RK9, le son raffiné. Comme du beau fromage, on est affiné. Libérer le corps sur la bannière. J'fly comme un oiseau, j'fly comme Emirates. À quoi bon tous ces rendez-vous qui se terminent en cinéma. J'essaye juste de sortir de l'ombre pour éclaircir mes idées noires. Comme un oiseau qui aurait bu de la bière. Faut que je bouge, surtout pas là-bas. J'irai tout en haut, peut-être à Malaga. Loin d'ici ou le Canada. Je vais dans ta chambre, je veux pas voir papa. Je veux le grand appart, l'envol d'un oiseau. J'ai que mes frères, besoin de personne d'autre. Je sais que je suis bizarre et c'est pas de ma faute. Parfois je fais le con, parfois tu fais la conne. Un moment, je réponds plus au fort. Je préfère m'occuper de la daronne. Un moment, je réponds plus au fort. J'perds mon âme, j'tise la mielance. J'prends la balle, j'perce la défense. J'm'envole comme un pélican. De Marcus guette la détente. J'me sens comme dehors en décembre. C'est toi qui appelle, c'est moi qui décide. J'veux grailler la poussière pour le dessert. J'ai qu'une balle, il faut que je la descende. Je m'envole dans le ciel comme un oiseau, je m'en vais. Goyard Gucci, je kiffe trop ces merdes, je m'en veux. Je pédave à mort pourvu que je m'en tire en vie. Je regrette le crime quand tu passes aux aveux. K9 Bifi, je sais que ta bitch en veut. Sous toute la night, on traîne la 10 en ville. Je prends soin de mes proches, c'est dur quand ils s'en vont. Et le temps continue de passer. C'est le temps qui nous oblige à changer. À quoi bon tous ces rendez-vous qui se terminent en cinéma. J'essaye juste de sortir.